Une dette de jeu par Louis Sonolet. Alors cela fait 45 000 louis, Bressol. C'est bien cela, monseigneur. Les deux joueurs se levèrent. Monseigneur le comte d'Artois alla mirer dans la haute glace qui surmontait la cheminée sa mince figure pâle, qu'allongeait encore l'énervement et l'insomnie. Il rajusta son jabot, tenta d'effacer avec son index une ride naissante près de la tempe, chassa du bout de ses doigts fins quelques grains de tabac qu'il avait laissé tomber dans la fièvre de la partie sur son habit de gourgourant couleur cheveux de la reine. Après quoi il prit congé de son ami et adversaire malheureux au jeu de crêpes, monsieur le comte de Bressol. C'était l'heure où les derniers invités quittaient les appartements de monseigneur le duc d'Orléans au palais royal. Depuis quelque temps déjà, une aube accusatrice avait jeté de furtives blancheurs derrière les amples lampes à des fenêtres. Maintenant, un jour cru et froid remplaçait la lumière rose des bougies consumées. Le pas saccadé, le geste machinal et raide, le cerveau vide et comme anéanti sous le poids d'une catastrophe. Monsieur de Bressol abandonna lui aussi le petit salon blanc et or où il venait de jouer pendant 8 heures sans désemparer. Il traversa des couloirs, heurta des laquais, reçut de l'un d'eux presque sans s'en apercevoir son chapeau et sa mante de velours de gêne. Il ne prit conscience de lui-même qu'en se retrouvant solitaire, le visage fouetté par l'air vif du matin, au beau milieu de la cour des fontaines. Alors il se sentit poigné au cœur par une réalité terrible, affolante. Il devait 45 000 louis, 900 000 livres à monseigneur le comte d'Artois. Durant toute la nuit, les dés avaient marqué la série ininterrompue de ses défaites. Son Altesse royale avait amené le point de chance avec une continuité insolente, exaspérante, inouïe. Monsieur de Bressol avait perdu tout d'abord les 60 000 livres qu'il avait sur lui, dernier débris de sa fortune dévorée par le jeu. Puis, une véritable folie s'était emparée de lui invinciblement. Il s'était mis à jouer sur parole des sommes énormes, dans l'espoir furieusement poursuivi d'une contrepasse qu'il jugeait immanquable. Il ne calculait pas, ne mesurait plus les différences, se laissait entraîner à des pertes dépassant de beaucoup les ressources dernières dont il pouvait disposer. Et fébrilement, sans compter, sans voir, sans comprendre, il doublait sans cesse, emporté par un vertige irrésistible, sûr d'un gain sauveur qui le fuyait toujours. Monsieur de Bressol était cependant un honnête homme, mais le jeu l'enlevait à sa responsabilité, lui communiquait une autre âme. Cette fois-ci, il s'était laissé aller à jouer beaucoup plus qu'il ne possédait, parce qu'il lui paraissait complètement impossible qu'il n'arrivât point à regagner. Et maintenant qu'il était redevenu lucide, que son sang et ses nerfs se calmaient dans la clarté fraîche du petit jour, maintenant que l'atmosphère trouble et hallucinante du salon blanc et or s'était évanouie, M. de Bressol restait assommé devant cette nouvelle qui se présentait à lui pour la première fois avec une aussi terrible netteté. Il était ruiné et il devait une somme considérable, une fortune entière, à son ami le comte d'Artois, au propre frère de Sa Majesté le roi Louis XVI. Et si la dette n'était pas payée d'ici quelques jours, c'était le déshonneur, la prière de ne plus reparaître à la cour, l'exil forcé et éternel dans les maigres terres qu'il possédait encore au pays de Saintonge. M. de Bressol rentra chez lui très abattu. Pendant 2 jours, il se livra à des comptes fiévreux et angoissés, supputant la valeur des derniers bienfonds qui lui restaient, couvrant le papier de chiffres dont l'effroyable insuffisance l'exaspérait. Alors, son imagination de joueur chercha d'impossibles combinaisons, invoqua du hasard une aide imprévue, un gain providentiel. Il ne sortait plus, le reste de la vie ne pouvant plus l'intéresser. Pourtant, le 3e jour, il entendit un tel tumulte dans la rue qu'il sonna son laquais. « Que se passe-t-il, Jasmin ? Monsieur le comte, c'est le peuple qui vient de prendre la Bastille. » répondit le faquin avec des yeux pleins d'épouvante. « Ah ! » fit simplement M. de Bressol, et il se replongea dans ses comptes. 3 jours après, il s'y débattait encore avec la même anxiété de plus en plus désespérée, la même rage de ne pouvoir réunir plus de 200 000 livres. Alors, il se décida à écrire à Monseigneur le comte d'Artois pour solliciter de sa haute bienveillance la faveur de paiements échelonnés à des dates ultérieures. Mais Jasmin revint du Louvre avec cette incroyable nouvelle. À la suite des événements politiques, Son Altesse Royale avait quitté Paris pour Turin. Le matin même, elle avait pris la tête du mouvement d'émigration. Quel soupir de délivrance s'échappa de la poitrine de M. de Bressolles. Il redressa sa haute taille comme s'il était soulagé d'un poids écrasant. Toutes les lignes de son visage ouvert et candide se mirent à sourire, et je crois même, Dieu me pardonne, qu'il esquissa deux ou trois pas de gavotte devant Jasmin ahuri. Allons, le doux hasard avait exaucé sa prière. En éloignant pour un avenir indéterminé son puissant créancier, en mettant entre deux la barrière d'une frontière, il lui faisait gagner cette chose inestimable, du temps. Gagner du temps pour un esprit comme celui de M. de Bressolles, c'était l'espoir ardent, mieux que cela, c'était la certitude complète de payer un jour sa formidable dette. D'autant plus que son imagination fertile et hardie comptait bien faire son profit des troubles politiques qui venaient d'éclater comme un orage de saison en ce mois de juillet 1789. Monsieur de Bressolles l'avait vu juste. Les événements le servirent à merveille, surtout lorsque l'orage fut devenu une effroyable tourmente qui bouleversa la France et déracina le passé. C'est alors que les biens des émigrés furent confisqués et mis à l'encan. Le gouvernement révolutionnaire en acceptait le paiement en assignat, monnaie vite dépréciée et tombée à une faible part de sa valeur officielle dans les transactions commerciales. M. de Bressolles en profita pour réussir une opération admirable, qui contentait du même coup son dévouement à la famille royale et sa conscience de débiteur scrupuleux. Il vendit ses terres de Saint-Onge contre 150 000 bonnes livres en or, qu'il put troquer facilement contre 900 000 livres en assignat. Avec cette somme, il acquit le superbe domaine de Chef Fontaine de Beauvoisis, qui était une propriété de Monseigneur le comte d'Artois confisquée comme tous ses autres biens par l'Assemblée législative. Une grande joie entra alors dans le cœur de M. de Bressolles, et il attendit en paix le retour évidemment prochain de son vainqueur au jeu de crêpes. D'avance, il imaginait la scène de leur rencontre, le jour de la triomphale rentrée des princes dans Paris vaincus et revenus de ses erreurs. « Nous sommes quittes, Monseigneur, » dirait M. de Bressolles, « car je viens vous restituer votre terre de Chèffontaine, dont le prix dépasse certainement les 900 000 livres dont je vous suis débiteur. Je sais combien vous teniez à ce bien de famille, et cela m'est doux de m'acquitter envers vous au-delà de mes obligations. » Et touché de le voir agir ainsi en honnête homme et en fidèle serviteur de la monarchie, Monseigneur le comte d'Artois le ferait nommer certainement à une des grandes charges de la couronne, ce qui ne manquerait pas de rétablir sa fortune disparue en fumée au hasard des tapis verts. Mais les années passèrent. La Convention se défendait victorieusement contre les rois. Les frères, de pauvres défunts Sa Majesté Louis XVI, rencontraient d'invincibles obstacles à leur entrée en France. Une fois pourtant, au moment où l'insurrection vendéenne devenait un danger terrible pour la nation, M. de Bressolles crut le grand jour arrivé. On annonçait le débarquement sur les côtes de l'Ouest de Monseigneur le comte d'Artois, qu'on n'appelait plus que Monsieur depuis la mort du roi martyr. Mais le chef d'armée, si impatiemment attendu par les royalistes, s'arrêta prudemment à l'île-Dieu. Et M. de Bressolles se remit à attendre avec la même foi paisible dans son beau domaine de Chèffontaine. La terre y était bonne. Le blé venait ferme, dru et doré. Les bois donnaient des coupes superbes. M. de Bressolles vivait très bien là. Il jouissait de tous ses beaux revenus en usufruitier paisible, en bon père de famille, comme disent les coutumes. Et il n'était nullement troublé dans sa possession par les révolutionnaires, car il était au su de tout le monde, un acheteur de biens nationaux, et c'était là, pour l'opinion courante, un véritable certificat de civisme. Il ne faisait pas de politique, d'ailleurs, gardant seulement au fond de son cœur un ardent espoir pour le triomphe des rois coalisés. Mais la jeune République paraissait peu disposée à ce triomphe. Voici maintenant qu'elle gagnait des batailles glorieuses, qu'elle avait des conquérants à son service. Il en était un surtout qui avait le don d'exaspérer M. de Bressolles. C'était ce petit Corse de Bonaparte que Barras avait découvert d'une manière si fâcheuse pour la cause royaliste. Quand il le vit devenir premier consul, le châtelain intérimaire de chef Fontaine eut un terrible mouvement d'humeur, puis il se reprocha de rester inactif. Il se dit que sa place était à Paris, parmi les partisans militants de la cause des Bourbons, et que son devoir était d'aller travailler avec eux au prochain retour de ceux-ci. Il quitta donc l'ombre paisible, la vaste et sereine tranquillité de chef Fontaine, en emportant juste la somme nécessaire à son entretien dans la capitale. Car il se serait fait un crime de dépasser les revenus du dépôt sacré qui était maintenant son unique ressource. Songez que dans ce cas, il eût fallu entamer la propriété même de M. le comte d'Artois, redevenir son débiteur insolvable, rien que cette pensée faisait frémir d'indignation le scrupuleux gentilhomme. À Paris, M. de Bressolles retrouva tout de suite quelques-uns de ses amis d'autrefois, et notamment M. le marquis de Saint-Rémy et M. le vicomte de Lamaze. Ceux-ci étaient comme lui d'anciens petits maîtres de la cour. Ils avaient été jadis ses adversaires coutumiers au tric-trac, au lansquenet et au crêpes. Aujourd'hui, ils restaient aussi farouchement que lui attachés au passé. Cela se voyait tout de suite d'ailleurs à leur tricorne, à leur habit à la française, à la poudre qui couvrait leurs cheveux, à tout ce bric-à-brac désuet qu'ils arboraient comme un défi. Ils juraient ventre Saint-Gris et se parfumaient au benjoin et à la bergamote. Mais c'était bien là leur seule et innocente manière de faire de l'opposition. Ils trouvaient qu'au sortir des misères de l'émigration, les jeux et les rires leur convenaient beaucoup mieux que toutes les conspirations du monde. Aussi menaient-ils joyeuse vie et furent-ils d'excellents cicérones pour leur ami Bressolles. Ils le conduisirent à Tivoli, au Palais Royal, au Théâtre Feydeau. Ils le présentèrent même à une danseuse de ce dernier établissement, une certaine Gisèle, dont le minou à espiègle enflamma tout de suite l'ancien courtisan devenu campagnard par honnêteté. Il en oublia son stoïcisme solitaire, ses scrupules féroces. Les projets de complot qu'il avait appelés à Paris abandonnèrent vite sa cervelle légère et frivole, et il se laissa aller à reprendre peu à peu ses douces habitudes d'antan. Après avoir fait quelques cérémonies, il finit même par céder aux instances de ses deux amis qui lui proposaient sans cesse une petite partie de crêpes. La fortune est quelquefois d'accord avec la vertu, car M. de Bressolles gagna. Mais il dut donner une revanche. Puis, comme cette fois la fortune se trouva moins avisée, il en accepta une. Peu à peu reparut en lui le joueur qu'il s'était tant promis d'abjurer. Maintenant, quand il se retrouvait avec ces messieurs dans le salon de l'un d'eux, la même scène ne manquait jamais de se reproduire. On commençait par rendre un hommage attendri aux augustes exilés, on maudissait quelque peu la République et son protecteur Bonaparte. Puis le marquis de Saint-Rémy ou le vicomte de Lamaze allait s'asseoir à une table et se mettait à manier comme au hasard les cartes ou les dés. C'en était assez. Quelques minutes après, la partie commençait et il était rare que M. de Bressolles ne perdît pas, car il était beau joueur et il acceptait tous les enjeux en grand seigneur qui fuit la discussion et les petitesses. Le résultat fut que le pauvre gentilhomme, savamment mis en coupe réglée par les deux compères, s'alla coucher un beau soir en leur devant 500 louis. Comme jadis, lorsqu'il sortait du palais royal, une terrible angoisse l'étreignit, tandis qu'il rentrait chez lui par les rues noires et désertes. La somme perdue n'était pas énorme. Mais comment allait-il la payer? Les revenus annuels de chef Fontaine étaient déjà épuisés. Il fallait donc qu'il vendît quelques morceaux de cette terre qui n'était pas la sienne, de ce gage de sa probité qu'il s'était juré de conserver intact. Un élan vertueux lui monta au cœur. Vendre chef Fontaine, jamais. M. de Bressolles passa une nuit épouvantable, car il ne se voyait pas d'issue. La catastrophe était d'autant plus irréparable qu'on annonçait le retour de M. le comte d'Artois comme tout prochain à la suite d'une puissante coalition contre le premier consul qui ne pouvait manquer d'être victorieuse. Même si le jeu lui réussissait, M. de Bressolles ne pourrait jamais racheter à temps la portion de terrain dont la vente le tirerait si bien d'affaire. Mais le lendemain, à son réveil, il apprit une nouvelle qui, tout en le chagrinant comme royaliste, le rassura complètement comme débiteur. Le premier consul avait remporté une éclatante victoire à Marengo. Aussi, ce fut presque avec sérénité qu'il vendit quelques toises de son domaine provisoire. Ce succès des républicains lui donnait bien 2 ou 3 ans devant lui. C'était plus qu'il n'en fallait pour reconstituer chef Fontaine. En attendant, M. de Bressolles agrandit considérablement son train d'existence, grâce à l'argent qu'il retira, une fois sa dette payée, de la vente des bois de chef Fontaine. L'amour était son excuse. Il adorait de plus en plus cette Gisèle du théâtre Feydeau que Saint-Rémy et Lamaze lui avaient fait connaître. Elle avait une si douce façon de l'appeler mon cœur en le regardant de côté, avec un gracieux mouvement de tête qui lui rappelait les 12 heures d'antan dans les pavillons de verdure de Trianon. M. de Bressolles entoura sa nymphe du luxe le plus raffiné. Il la couvrit de bijoux et d'étoffes rares, afin qu'elle parût avec plus d'éclat encore dans le ballet de Frosine et Corradin. La belle voulait son carrosse au mois. Elle l'eut. Et comme il n'est de magnificence qui ne se paye, M. Bressolles entamait toujours. Chef Fontaine diminuait peu à peu comme un pâté qu'on livre à de joyeux convives. Il fallut payer le carrosse de Gisèle à raison d'une toise par mois. Partie des bois, l'entaille avait gagné les champs. Maintenant elle menaçait les vignes. D'ailleurs, le temps passait toujours, repoussant de plus en plus, dans un avenir lointain, le retour de M. le comte d'Artois. Bonaparte s'était fait proclamer empereur, et chose singulière, cela n'avait pas trop indigné l'ardent royaliste qu'était M. de Bressolles. C'est que, par un sentiment instinctif des plus humains, il se sentait une vague gratitude envers ce puissant maître de la France qui lui donnait si bien le temps de se retourner, comme il disait in petto. C'était en effet l'avènement de Napoléon et le succès de ses armes qui lui permettaient de faire en paix ses combinaisons d'avenir en vue du règlement de sa fameuse dette. Grâce à l'Empire, il avait des années devant lui pour se refaire. La chance ne pouvait manquer de lui revenir durant ces années-là, et M. de Bressolles aurait juré tous ses grands dieux, de la meilleure foi du monde, que M. le comte d'Artois n'y perdrait pas un sou. La troisième coalition lui donna quelques inquiétudes, mais Austerlitz vint presque aussitôt le rassurer. Il s'étonna un peu de trouver ainsi sa tranquillité personnelle, si profondément en désaccord avec ses opinions politiques. Pourtant, si odieux et si extraordinaire que ce fût, il sentait toujours croître en lui, sans oser se l'avouer, le même élan de confuse reconnaissance envers Napoléon. Il ne put même s'empêcher d'y mêler un peu d'admiration, et un jour il se laissa aller à traiter l'usurpateur de grand homme, devant messieurs de Saint-Rémy et de Lamaze qui se scandalisèrent. Après Wagram, surtout, M. de Bressolles goûta la plus grande quiétude. L'échéance de sa dette à M. le comte d'Artois se perdait donc dans une brume impénétrable et apaisante. Sur le sein frais de sa Gisèle, M. de Bressolles avait maintenant de paisibles sommeils d'enfant candide. Le réveil fut terrible. Par un sombre matin de décembre, on s'arracha dans Paris le lugubre bulletin de la retraite de Moscou. Pour la première fois, l'empereur était vaincu. Voici que l'ennemi commençait à le ramener vers ses frontières, ce conquérant qui avait volé à toutes les frontières de l'Europe. Les royalistes poussaient des cris de joie. Le marquis de Saint-Rémy et le vicomte de Lamaze exultaient. M. de Bressolles demeura atterré. Est-ce que l'Empire allait déjà s'écrouler? Les Bourbons étaient-ils donc si près de revenir? Ah, ce retour, il l'avait pourtant bien ardemment souhaité jadis. Et maintenant? Maintenant, il se disait que chef Fontaine était réduit de plus des 2/3, et une honte poignante s'emparait de lui. Que ce serait donc quand il se trouverait en face de M. le comte d'Artois? Quel coupable dessein allait lui prêter le frère de Sa Majesté quand il saurait que sa terre avait été achetée par son débiteur pour être morcelée aux mains de 20 acquéreurs? Oh! Il fallait que cet empire durât encore. Son intérêt propre et le soin de son honneur firent de lui un bonapartiste à tout craint. Un jour, il se lança dans un grand éloge de l'empereur devant messieurs de Saint-Rémy et de Lamaze, qui crurent leur vieil ami atteint de folie subite. Ce fut une brouille. M. de Bressolles fréquenta alors le café de Foix. Il faisait volontiers un whist avec un groupe d'officiers retraités pour blessure après Iéna au Friedland. Ces durs à cuire avaient d'abord fait un accueil assez froid à ce voltigeur d'ancien régime. Mais il avait su les conquérir par sa fougue, sa passion sincère, la chaleur de ses convictions et de ses paroles. Durant l'année 1813, il ne cessa de répéter « Il faut que le pays se lève tout entier. C'est la guerre nationale. Ah, si j'étais plus jeune !» C'était lui qui donnait à ces messieurs des nouvelles de l'armée, car il lisait le Moniteur avec acharnement. Il avait troqué son tricorne et son habit zinzolin contre un chapeau à longs poils et un carrick. Il faisait chanter à Gisèle « Veillons au salut de l'Empire !» Personne n'y veillait plus ardemment que lui. Une après-midi d'avril 1814, M. de Bressol revint chez lui, livide, courbé sous le poids d'un malheur irréparable. Les Alliés étaient dans Paris. Quelques jours auparavant, il s'était pourtant raccroché à un suprême espoir. Il était allé en pleine bataille, à la barrière de Clichy, encourager les canonniers et récompenser les coups heureux par des distributions de piécettes blanches. Mais maintenant, tout était consommé. Il venait de voir l'empereur Alexandre défiler sur les boulevards au cri de « Vive les Bourbons! Vive nos libérateurs !» Nos libérateurs! Ce mot vibrait comme un écho douloureux au fond du cœur de M. de Bressol. L'échéance fatale était arrivée. Au lieu d'être délivré, il était rivé irrévocablement à sa honte, à son déshonneur. On annonçait pour demain l'entrée solennelle de M. le comte d'Artois dans la capitale. M. de Bressol se souvint alors de la scène qu'il imaginait jadis, du discours qu'il se prêtait si complaisamment. « Je sais combien vous teniez à ce bien de famille, et cela m'est doux de m'acquitter envers vous au-delà de mes obligations. » Hélas, c'est à peine s'il possédait aujourd'hui le quart de chef Fontaine. Allons, il ne fallait plus songer aux combinaisons, au temps qui arrange tout, à la chance qui finit toujours par venir. C'était le moment de prendre une résolution. M. de Bressol avait déjà pris la sienne. Il embrassa Gisèle plus tendrement encore que de coutume, puis il sortit. Il alla dans une vieille rue du Marais, chez un marchand de biens qui lui avait plusieurs fois proposé d'acquérir, moyennant 300 000 francs, ce qui subsistait actuellement du domaine de chef Fontaine. « J'accepte votre marché, » dit en entrant M. de Bressol, « mais à la condition d'être payé séance tenante. » Un instant après, il sortait, serrant fiévreusement contre sa poitrine la liasse de billets bleus qui était le suprême lambeau de sa fortune. Il marchait d'un pas ferme et décidé, comme s'il se dirigeait vers un but bien déterminé. Il arriva ainsi devant ce palais royal, qui avait été le témoin de son désastre il y avait 25 ans. 25 ans. Il revit la nuit terrible dont les conséquences duraient toujours, plus torturantes que jamais. Un frisson le parcourut tout entier. Puis, un espoir éclaira sa face, releva sa haute taille. C'était le palais royal qui avait fait tout le mal. Peut-être était-ce lui qui allait le réparer. Le cœur battant, ému et léger, M. de Bressol pénétra dans les galeries. Puis il monta l'escalier du salon de Paphos. C'était une maison de jeu qu'il connaissait bien. La partie était toujours très animée et les enjeux considérables. M. de Bressol s'approcha de la table de roulette. Il prit place parmi les joueurs, officiers russes et anglais, émigrés récemment rentrés en France, jeunes viveurs, professionnels de tripot louche. En proie à une angoisse à la fois atroce et délicieuse, il mit son enjeu sur la noire, puis il regarda l'heure à sa montre. Il était 5 heures du soir. Monsieur le comte d'Artois était annoncé pour le lendemain midi. Allons. Monsieur de Bressol avait le temps de regagner le montant de sa dette. Victoire. La noire venait de passer. Monsieur de Bressol fit part au lit et gagna encore. Il gagna ainsi plusieurs coups de suite. Les billets bleus s'entassaient devant lui. Alors, il se sentit pris d'une allégresse folle. Maintenant, il évoquait avec attendrissement la longue figure mince de son très noble ami, M. le comte d'Artois. Il éprouvait une joie intense à se répéter intérieurement la fameuse phrase dont il était si fier. « Cela m'est doux de m'acquitter envers vous au-delà de mes obligations. » Il parlait à ses voisins, se laissait aller à des épanchements. Un coup de perte qui survint ne parvint pas à l'émouvoir, il doubla. Il perdit, recommença, perdit encore. Puis, après quelques hésitations de la chance, quelques gains isolés, ce fut la perte incessante, effroyable, inexplicable. La rouge passa 18 fois. Mais sans se laisser, sans attendre, La main de M. Bressol lançait toujours des paquets de billets bleus sur la noire. Elle tremblait un peu, cette main. Une sueur froide perlait aussi aux tempes du joueur. Une rage le poussait comme jadis, lui faisant oublier la prudence, les règles, les martingales. Hélas, ce tapis vert semblait un gouffre qui l'attirait à lui tout entier avec ses dernières ressources, avec sa pensée, sa vie, son âme. Et durant des heures et des heures, ses yeux dilatés, magnétisés, ne quittèrent pas la bille, tandis qu'au dehors, la nuit paisible et fraîche s'écoulait. Quand M. de Bressol quitta le palais royal, il avait tout perdu. Il faisait le même petit jour blême et froid qui avait glacé tout son être 25 ans auparavant. Mais l'infortuné gentilhomme ne paraissait plus en proie à la même stupeur. Il ne resta pas immobile comme autrefois, anéanti d'abord, puis angoissé, et désespérément lancé à la recherche d'un impossible salut. D'une allure décidée, il gagna la rue Saint-Honoré, puis il se dirigea vers les Tuileries. Près du quai, il croisa une bande de jeunes royalistes qui criaient « Vive monsieur !» au sortir de quelques fêtes. Dans Paris, les fidèles serviteurs des Bourbons s'apprêtaient à recevoir dignement monsieur le comte d'Artois. Monsieur de Bressol souriait avec une amertume indéfinissable. Il était arrivé au pont royal. Tout à coup, on vit sa longue silhouette se dresser sur le parapet et se détacher nettement sur le fond de blancheur de l'aube. Sans une seconde d'hésitation, il se lança dans l'eau qui clapotait doucement contre les piles de pierre. Un corps se débattit un instant dans l'ombre du pont, puis il eut un large remous, et ce fut tout. Quand on apprit la mort de M. de Bressol au café de Foix, il n'y eut qu'un cri parmi les joueurs de whist. « Parbleu, il n'a pas voulu voir les Bourbons dans Paris. C'était un si bon patriote. » Ainsi s'achève Une dette de jeu par Louis Sonnolet.